Les feux tricolores qui règlent la circulation dans ce carrefour ne fonctionnent pas. En l'absence de panneaux de priorité, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Ici, aucun usager ne vient de droite. Je peux passer, mais avec prudence. Réponse